ouvre les oreilles de ton cœur. Écoute, c'est Dieu qui te parle. Chante les merveilles du Seigneur. Avec toi j'ouvre le livre de la Bible. Quelle joie, ouvre le livre de la Bible. Écoute, c'est Dieu qui révèle que son amour détruit la peur. Il est vraiment le seul créateur. Avec toi j'ouvre le livre de la Bible. Quelle joie, ouvre le livre de la Bible. Écoute, c'est Dieu qui t'appelle. Jésus te comble de bonheur. Écoute, c'est Dieu qui t'appelle et ton cœur est rempli de chaleur. Avec toi j'ouvre le livre de la Bible. Quelle joie, ouvre le livre de la Bible. Écoute, c'est Dieu qui relève. Il marche avec toi à toute heure. Écoute, c'est Dieu qui relève. Regarde Jésus, lui le Sauveur. Avec toi, Jésus.